Circuler, circuler, allons, allons, circuler, circulant. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez décidé de changer de métier? Oui, oui, je vais m'acheter un képi et puis un ceinturon et puis je vais passer l'examen d'ailleurs et peut-être ils me prendront. J'aimerais bien faire la circulation devant chez moi avec un bâton blanc comme dans le temps. Vous auriez peut-être quelques difficultés parce que les grandes villes rencontrent souvent des problèmes de circulation. Elles sont encombrées, il y a des encombrements. L'intéressant, c'est que très souvent, ces encombrements évoquent des images sanguines. Les voitures circulent, de même que le sang circule dans les veines. Et d'ailleurs, dans les villes, on parle bien d'artères et même de boyaux. Vous voyez, c'est à l'image de ce qui se passe dans nos entrailles. Encore que les boyaux ne soient pas tout à fait du domaine de la circulation, mais passons. C'est vrai, je vous l'accorde. Ce qui me frappe en tout cas, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de circulation, eh bien, précisément, on va dire qu'elle ne se fait pas. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Vous avez pourtant l'air perplexe. Non, non, c'est vrai. On dit « il y a beaucoup de circulation ». Mais en fait, cela veut dire qu'il n'y a pas de circulation. Ça ne circule pas. La circulation est arrêtée. Et c'est dans ce cas-là qu'on dit qu'il y en a beaucoup. De même, on parle du flot des voitures. Eh bien, parfois, ce flot s'arrête. En revanche, s'il y a un retour à la normale, on va dire que la circulation redevient fluide. Vous voyez que là, nous continuons à filer la métaphore, peut-être pas celle du sang, mais en tout cas du liquide, ça c'est sûr. Attention, une circulation fluide n'est pas une circulation très facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne, par exemple, sur le périphérique qui entoure Paris. On dit la circulation est fluide quand ce n'est pas totalement bouché, mais elle n'est pas si rapide que ça. Et puis, si de nouveau, ça s'aggrave... Eh bien alors, à ce moment-là, le périphérique à 6h, par exemple, la rue de Rivoli à 5h30, par exemple, sont totalement congestionnées. Nouvelle image de cette circulation sanguine qui ne se fait pas. À l'image d'ailleurs des conducteurs qu'on voit presque apoplectiques et tout rouges à leur volant. Congestionnée cette rue de Rivoli, ah c'est sûr. On peut dire également qu'elle est bouchée. Et à ce moment-là, nous utilisons une deuxième série d'images, de métaphores, qui ont trait au liquide enfermé dans une bouteille. Oui, c'est le contenant, ce n'est plus le contenu. Il y a des embouteillages. Avec cette idée que si on était tous mis dans la même bouteille, on serait extrêmement serré. C'est un peu l'idée qu'on est serré comme des sardines en boîte. Sauf qu'il y a des bouteilles. Et que pour sortir d'une bouteille, il y a un goulot très étroit. Et là, on a bien l'image des embarras de Paris, comme disait Boileau il y a déjà 3 siècles et demi. S'il n'y a pas une seule voiture qui roule, il y a un bouchon. Le flux, là, est bloqué. Ce bouchon a permis de faire le verbe « bouchonner ». Oh, ça bouchonne dans la rue de Rivoli, c'est-à-dire qu'on ne circule pas du tout. Attention, il ne faut pas confondre ce verbe bouchonner avec le participe bouchonner, ce vin est bouchonné, accent aigu. Ça veut dire qu'il sent le bouchon, qu'il sent le liège. Là, il s'agit d'un véritable verbe. Par exemple, aux alentours du 31 juillet, traditionnellement tous les ans, eh bien, ça bouchonne sur 10 bons kilomètres au-delà du tunnel de Fourvière à Lyon. Et puis, 3 heures après, comme par miracle, eh bien, ça se débouche.